5 A 1 Moi, l'été dernier, je suis allée à Paris. Je suis entrée dans un office du tourisme et j'essayais de parler français. Mais l'employé m'a répondu en anglais. Alors j'ai dit, je suis italienne, je ne parle pas bien anglais, je préfère parler français. Et il t'a parlé français? Non, il m'a parlé italien. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Je lui ai dit, pardon, pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Et enfin, il m'a parlé français. 2. Eh bien, moi, une fois à Paris, je suis entré dans une boulangerie et j'ai demandé un croissant au béret. La vendeuse n'a pas compris, alors j'ai répété, un croissant au béret. La vendeuse m'a regardé et a dit, je suis désolé, je n'en ai pas. Alors j'ai montré du doigt les croissants et j'ai dit, ça. Et tu as eu ton croissant? Oui, finalement, j'ai eu mon croissant. Je crois que la vendeuse n'a pas compris ma prononciation. Alors après, j'ai demandé à un ami français de m'aider à prononcer croissant au beurre. 3. Moi, j'ai un souvenir de mon premier cours de langue à Genève. Tu es allée à Genève? Oui, à 21 ans, je suis partie étudier une année à Genève. Quand je suis arrivée, j'ai d'abord fait 3 mois de cours intensifs de français à l'université. Je me souviens parfaitement du premier jour de cours. Le professeur m'a dit « Bonjour, je m'appelle Didier » et j'ai répété exactement de la même manière « Bonjour, je m'appelle Didi. » Alors toute la classe a commencé à rire. Je n'arrivais pas à dire mon propre nom, Carla. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenue rouge, je n'arrivais plus à parler. Alors, j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit Carla sur la feuille en lettres majuscules et j'ai montré cette feuille au professeur et à mes camarades.